partie des Quabos. Écoute le band. Une bouteille de bière quand même, ça marche bien. Yeah. Si on monte à la boucle. Putain, j'arrive plus à le lancer. Direct.